la démocratie, je crois qu'on en a eu peur. On en a peur. Mais je crois que c'est un tort. Ce n'est pas seulement une affaire de multipartisme qu'une affaire d'institution. Si le parti unique existe, mais qu'il n'existe pas des institutions permettant de constituer des contre-pouvoirs à l'exercice de l'autorité, nous n'aurions rien changé du tout. Nous allons avoir des tendances qui s'exprimeront plus ou moins, mais la justice ne sera pas indépendante. Le citoyen ne peut pas faire un recours pour excès de pouvoir contre les abus de l'administration. Et nous serions gros gens comme devant. Donc ce sur quoi moi j'insiste, c'est que démocratie traditionnelle ou pas, il nous faut des institutions pour mettre en œuvre cette démocratie, même la traditionnelle. Mais si vous ne l'encadrez pas, s'il n'y a pas des institutions qui protègent les individus, qui protègent le juge, qui confèrent à telle ou à telle personnalité la possibilité d'être une sorte d'ombudsman ou médiateur, de façon que les citoyens ne soient pas brimés par l'administration ou la chose publique, vous n'aurez pas réglé le problème de la démocratie.